Salut, ici Denis Talbot. Frank the Tank. Ian Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Bienvenue tout le monde dans la réalité augmentée de la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné, votre animateur, et on s'installe pour une autre belle aventure. Et cette semaine, d'ailleurs, on a une invitée spéciale avec nous. Mais avant, j'accueille mes comparses habituels, Daniel Carosella. Salut, Daniel. Hello, Jean-Benoît. Et Luc Desormeaux. Salut. Et notre invité de cette semaine, il est de Tribute Games. Vous le connaissez peut-être, vous, amateur de podcasting de l'émission Trois Bières. Et j'ai nommé celui qui porte les lunettes, Yannick Belzile. Salut Yannick. Bonsoir à tous. Bonsoir. Yannick sera via téléphone. On a essayé de faire ça via Skype, mais ça coupait beaucoup trop. Donc, oui, il y aura un effet de téléphone, mais on s'arrange comme on peut avec les moyens du bord pour l'avoir. On voulait vraiment jaser avec Yannick, fait qu'on fait ce qu'il faut pour l'accueillir. Yannick, tu es dans l'univers du podcasting, donc tu es un peu familier avec ce genre de médias-là. On n'est pas trop inquiet que tu aies des bonnes réponses. D'accord. Ça te gênera pas de jaser avec des médias, ça c'est pas compliqué pour toi. Non, à date, non, ça s'est bien passé. OK, tant mieux. Dis-nous un peu là, chez Tribute Games, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton rôle là-bas? Chez Tribute Games, je fais deux grosses choses présentement. Je suis scénariste, je suis scripteur pour nos jeux. Pour dans le cas de notre jeu qui est plus sorti plus récemment, Mercenary King, ça veut dire que j'ai pratiquement tout écrit dans le jeu. Que ça va à l'histoire, les descriptions d'armes, d'objets, de matériaux qui se trouvent dans le jeu, les cutscenes qui entrent les niveaux, les dialogues des personnages, toutes ces affaires-là, c'est tout moi qui ai écrit ça. Fait que j'écris pour nos jeux qui avaient besoin un petit peu d'écriture ou qui en avaient besoin beaucoup. Puis je fais aussi la gestion des réseaux sociaux. Fait que je m'occupe du Twitter, de l'email info attribute, puis je fais un peu de PR, de relations publiques justement avec pour la compagnie. Là. Fait que c'est ça. C'est moi qui vais dans les podcasts puis qui va à des émissions, des affaires comme ça. C'est toi qui est comme envoyé comme chair à canon pour jaser avec les médias. Exactement. Comme... Je suis seul, mais on est une couple. Mais c'est moi le principal pour ça. OK. Dis-moi, comment ça s'est fait, l'association? Parce que toi, t'es un dessinateur à la base. Oui, j'étais un illustrateur. J'étais illustrateur freelance. Puis, justement, preuve de mon talent, j'ai été engagé pour tout sauf ça par la compagnie. Ça, c'est comme un signe, je pense que... les illustrateurs, les artistes qui travaillent pour la compagnie sont bien plus talentueux que moi. Fait que, la compagnie Tribute, c'est tout du monde que je connais, c'est tout des amis, puis c'est du monde avec qui j'ai travaillé dans le passé, parce que j'ai travaillé dans le passé dans différentes compagnies de jeux vidéo. J'ai commencé en 2003 chez Gameloft, qui est une compagnie de jeux cellulaires, puis on a commencé, il y a plein de ces gens-là qui sont chez Tribute maintenant, qu'on a commencé ensemble à cette compagnie-là, à l'époque où le jeu pré-smartphone qui était tout fait en pixels, fait que c'est expliquer pourquoi la compagnie, on aime beaucoup les jeux rétro, on aime on a une facture rétro parce que c'est des jeux qu'on aime dans notre enfance, mais en même temps, c'est là-dedans qu'on a commencé à travailler aussi. On a commencé à travailler au Pixel dans les années début 2000. Fait que, bref, c'est tous des gens que j'ai connus là, dont mon cousin que je connaissais avant, vu qu'il était dans ma famille. Et puis, c'est ça, il savait que j'étais comme j'étais le plus savi question réseaux sociaux qu'il connaissait. Puis qui travaillait pas cher. Et puis, j'étais aussi vraiment intéressé par la scénarisation. J'écrivais pour moi-même. Et puis, j'étais beaucoup intéressé à ça. Fait qu'ils m'ont demandé de leur donner un coup de main là-dessus. Puis éventuellement, je suis venu comme à temps plein dans la compagnie pour ce titre-là, pour ces jobs-là. OK. Donc, si je comprends bien, on t'a embauché pas parce que t'es bon en dessin, malgré que ce soit ton talent premier. On t'a embauché parce qu'on te connaissait, puis on était un de tes chums, puis parce que tu chargeais pas cher. Ouais, c'est vraiment... tellement peu de talent impliqué dans cette embauche-là, là, c'est vraiment, c'est de la folie. C'est ça que je veux que les gens se souviennent. Peu talentueux, pas cher. C'est ça à mon sujet. La pitié, c'est ta meilleure arme, c'est ça, hein? Exactement. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est avec les artistes aventureux qui ont vécu ça, puis on n'a pas besoin de moi pour le dessin. Là. C'est vraiment, c'est pas nécessaire. Mais par exemple, pour l'écriture, amener des idées narratives dans le jeu, puis essayer de trouver des idées narratives qui sont pas check, on fait ça comme dans un film, mais hein, on trouve quelque chose qui est vraiment un jeu vidéo, puis qui est le fun à mettre dans un jeu. Ça, c'est quelque chose que je peux faire. Puis aussi, justement, je suis plus sa vie question réseaux sociaux que les autres. Je suis comme, OK, aujourd'hui, ce serait le fun d'en faire un trailer, ce serait le fun qu'on aille toujours du contenu, mettons, sur le blog, ce serait le fun qu'on aille, que je trouve des idées de contenu le fun pour le blog, puis en même temps, ben là, Mercenary Kings avait été fondé sur... avait été financé par Kickstarter, fait que là, maintenant qu'on s'occupe d'envoyer les récompenses et les trucs comme ça, ben j'aide beaucoup avec ça aussi. Là. Yannick, un scénariste peu talentueux et pas cher comme toi, monter un scénario à la Mercenary King, ça y prend combien de temps à écrire? Je le compte même plus. Je dirais que ça a pris plusieurs mois parce que je l'ai attaqué en différentes parties. T'sais, au début, c'était ma job, c'était surtout c'était d'aller vers ce qui était essentiel, c'est d'écrire les descriptions de toutes les armes, de tous les trucs qu'on ramasse dans le jeu. Et puis, mettons, les lignes pour les personnages dans lesquels on parle au quartier général, on va lui parler, puis ils vont dire, OK, ben tu peux construire un gun, tu peux construire un couteau, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Fait qu'au début, c'était vraiment juste la base. Et puis, plus que ça l'a été, on a découvert que avec l'idée de base pour l'histoire que la compagnie avait, ben là, il fallait des cutscenes, il fallait des scènes entre les tableaux pour qu'ils soient décrits avec du dialogue. Alors là, à partir de là, j'ai commencé à écrire plus, mais c'est un travail, je te dirais, de plusieurs mois. Puis tu y vas aussi en même temps que tu peux pas vraiment écrire d'avance pour un jeu vidéo, ou du moins pour ce jeu vidéo-là, pour Mercenary Kings. C'est OK, il y a combien de niveaux là? Il y a combien de niveaux le jeu est rendu à quelle place? Ben tu peux écrire jusqu'à une certaine place, puis là, une fois qu'il rajoute plus de levels, qu'il rajoute plus de boss et des trucs comme ça, des nouveaux personnages, ben là, tu peux commencer à en écrire plus. C'est petit bout par petit bout, mais en tout, ça a pris 6-7 mois, peut-être même un peu plus que ça, si on compte, mettons, la traduction. Je fais la traduction en français aussi. OK. Dans le fond, c'est vraiment le script qui est au service du gameplay et non pas l'inverse dans le cas de Mercenary Kings. Non, ben pas pour ce jeu-là. Je trouve pour des jeux rétro comme on fait dans le cas de Mercenary Kings, je te dirais que ce que moi j'ai amené, c'est épicé, tu sais, c'est du glaçage sur un gâteau. C'est quelque chose pour décorer un savoureux gâteau qui est déjà là. C'est pour ajouter du caractère, c'est pour ajouter quelque chose de le fun. Mais dans le fond, quand tu joues à Mercenary Kings, t'as construit un gun vraiment cool, tu es dans un level, puis tu détruis un méchant, tu te bats contre un méchant, tu sors de l'avant en plateforme, tu tires, tu cours, tu sais, l'emphase n'est pas sur, oh mon Dieu, quels sont les thèmes narratifs et les émotions du personnage. C'est vraiment entre les levels, est-ce que l'histoire est racontée de façon le fun et légère? Et est-ce que quand tu vas parler à des personnages, est-ce qu'ils ont une petite personnalité mémorable? Puis c'est ça que ce jeu-là a besoin. Si on ferait l'histoire pourrait être plus importante si on fait un jeu qui serait plus axé vers le narratif, mais là, c'est le fun que tu as durant les tableaux. Fait que l'histoire n'est pas autant importante dans le gameplay. D'où viennent les inspirations? C'est un jeu de combat, ça ressemble énormément à ce qu'un Rambo au cinéma pourrait être, ou encore un Contrat au NES qu'on a vu, un classique de des run and gun. D'où vient l'inspiration pour créer l'histoire? Pour créer l'histoire, ben l'idée était déjà un peu là des créateurs du jeu, mais moi où ce que j'ai vraiment renchéri, c'est vraiment la plus grosse inspiration, c'est G.I. Joe. C'est puis pas juste le dessin animé, quoi, le dessin animé il est vraiment le fun. Le dessin animé puis la ligne de G.I. Joe, on connaît tous, est basée sur le comic de G.I. Joe que Marvel Comics a publié dans les années 80. Qui était tout écrit par juste une personne qui s'appelait Larry Hama, qui était un type qui était vraiment brillant. Puis lui, ce que juste pour être, je vais nerder un peu, mais tu sais, lui, il allait écrire, il allait faire un genre de pitch de Shield versus Hydra comme comique. Puis Marvel avait comme eu la licence de Hydra, fait qu'ils ont dit comme ah, mets toutes tes idées de Shield versus Hydra dans le comic de G.I. Joe, puis tu sais, en autant que tu plugues les bebelles puis les figurines dans le comic, ça va être correct. Fait que là, lui, il est parti avec ça, puis il a créé une mythologie de G.I. Joe, comme d'action militaire, avec un petit peu de détails réalistes, mais vraiment pas beaucoup. Puis il y avait des ninjas là-dedans, il y avait plein d'affaires exagérées. Fait que je te dirais que c'est comme une, pour moi, c'est une des plus grosses, c'est une des plus grosses inspirations pour Mercenary Kings. Ça sent... Oui, vas-y, Daniel. Ah non, mais juste petite chose, c'est drôle, mais en voyant Mercenary Kings, moi, ça m'a fait automatiquement penser à Metal Slug. Automatiquement. Oui, ben c'est avec l'art animé, c'est une comparaison qui vient souvent, mais je dirais que ça ressemble beaucoup à Metal Slug, mais tu sais, ça joue pas exactement comme Metal Slug, parce que c'est les levels sont pas nécessairement linéaires comme Metal Slug, tu sais pas... courir vers la droite et recevoir des vagues et des vagues d'ennemis et d'agressivité ennemie vers toi. Là. Faut que tu peux te promener à différents endroits, puis justement notre emphase sur le crafting, de ramasser des matériaux puis de créer des guns réalistes comme ridicules. C'est ça qui nous différencie vraiment du jeu. Mais c'est une comparaison qui revient souvent, puis je trouve qu'il est vraiment à droite pour visuel. Là, puis ça en est une très flatteuse, parce que ces jeux-là, les jeux de SNK dans les 90, ils étaient tout le temps vraiment nice. Là, fait que c'est une très belle comparaison, merci. Il y a énormément d'humour dans ce jeu-là. Est-ce que c'est vraiment la gang de Tribute Games qui t'ont demandé « vas-y à fond dans l'humour » ou c'est toi qui as amené cette touche-là? Parce que, entre autres, là, le design des armes, t'as des armes en forme de chat, de dragon, il y a des descriptifs farfelus. C'est toujours très, très drôle. On a le goût de lire chacune des armes, qu'est-ce qu'elle fait, chacune des portions, parce que le descriptif est toujours malade. Ah ben merci beaucoup. Ils ont pas suggéré vraiment de faire des affaires humoristiques, mais c'est plus que l'art de Paul Robertson qui dessine ces personnages-là, qui anime ces personnages-là, puis qui a aussi dessiné toutes les guns. Ils sont juste comme les personnages sont bouncy puis drôles, tu sais, ils ont pas c'est pas hardcore, sérieux et militaire et sans rire. Fait que pour moi, c'était juste naturel, justement, d'écrire des jokes, d'écrire des affaires moins sérieuses dans les descriptions puis dans les dialogues, parce que ça se prêtait bien au monde suggéré par les visuels. Puis c'est ça, je pense qu'il y a personne ici qui voulait vraiment faire un jeu d'action militaire réaliste, sérieux, comme trop guindé, là. Tu peux acheter comme n'importe quel autre jeu d'action militaire pour faire ça. Là. Fait que non, je pense que nous autres, personne n'avait jamais parlé, mais c'était comme pris pour acquis que on peut prendre ça moins au sérieux. Ça peut être drôle. Il y a une de nos guns que c'est une toilette avec un canon qui sort de la cuvette. Là. Fait que on sait dans quelle ligue on joue à ce niveau-là. Non, ça c'est clair. Est-ce que là, encore une fois, il y a de l'inspiration qui vient d'ailleurs dans la conception des armes puis des idées qui sont amenées de l'avant dans ces morceaux-là de pièces de fusil? Oui, ben il y a beaucoup de références à plein de trucs de jeux vidéo, parce que tu sais, justement, on a comme Parce que moi, quand j'ai vu les pièces avec la thématique de chat, je me suis dit c'est postal avec le chat lancieux, là. Je me suis dit oh, il y a une référence là. Mais tu sais, je connais pas tous les jeux avec toutes les armes, mais je me suis dit ah, écoute, il y a des gamers en arrière de ça qui ont voulu créer un jeu pour se faire plaisir eux autres mêmes. Ben oui, ben c'est du coup, moi je connais pas toutes les références non plus. Il y avait une référence en particulier, tu sais, j'allais chercher ça sur Wikipédia, puis des trucs comme ça. Ça me fait penser, j'ai découvert un site qui s'appelle IMDBF. C'est le Internet Movie Database of Firearms. Fait qu'il y avait c'est comme un IMDB, mais c'est pour toutes les guns qui existent. Ça dit dans quel film ces guns-là ils ont apparu. Fait que des fois, quand j'avais un gun vraiment réaliste, il fallait que j'écrive une description dessus. J'allais sur ce site-là pour voir si oh, Arnold l'a utilisé dans cette scène-là de Last Action Hero. Ben je vais écrire ça dans la description ou faire une joke là-dessus dans la description. Fait que sinon il y avait ça, puis justement, vu qu'il y a tellement d'armes, il y a tellement d'armes, que, il faut que quelqu'un dessine toutes ces armes-là éventuellement. Je pense que le but, c'était plus de, à un moment donné, dessine des affaires réalistes, mais dessine des affaires que tu vas trouver le fun ou que tu vas trouver drôle. Fait que là, c'est pour ça que, justement, il y a une arme, il y a un fusil, que c'est un chat avec un plus petit fusil dans les mains. Il y en a un que il y a un couteau qui est comme la genre de canne de Sailor Moon ou juste des affaires comme ça. À un moment donné, tu dessines juste des affaires quasiment n'importe quoi pour le fun, pour regarder ça le fun pour toi, là. Je me demandais juste, tu sais, parce que c'est drôle parce qu'au début tu disais, ah, tu sais, il y a des dessinateurs qui ont plus de talent que moi dans la boîte, ça fait la même, puis je trouve ça un peu modeste de ta part, parce que j'ai vu ce que tu fais, puis c'est comme assez hot, ils doivent être vraiment bons les autres, là. Mais question de même, c'est vu que t'es dessinateur, puis ça, quand tu crées un personnage, est-ce que tu sketches quand même ce qui a l'air, ou tu laisses vraiment ça aux gars qui sont dessinateurs officiels dans la boîte, ou tu sais, tu commences puis tu dis, bon, ben, ce personnage-là devrait avoir l'air de ça. Puis tu dessines pendant que tu écris le script pour te donner des idées puis donner des idées aux autres. Je laisse ça aux autres dessinateurs parce que c'est comme l'affaire qui est le fun pour eux autres, c'est d'inventer ce personnage-là. Fait que, ben, l'affaire qui est le fun, justement, quand t'écris, puis pour avoir écrit puis dessiné, sur le site mercenarykings.com, il y a une bande dessinée de Mercenary Kings que j'ai dessinée, que j'ai écrit moi-même aussi. Puis il y a quelque chose de le fun de voir, quasiment magique, de juste écrire une phrase à quelqu'un, puis de lui envoyer, puis cette personne-là te revient avec un dessin vraiment nice, là, puis que c'est tellement plus rapide pour toi. T'as juste eu à écrire une couple de lignes, puis c'est quelqu'un d'autre qui a fait le gros du travail. Fait que non, je respecte ce bout-là de l'équation, mais pour créer des personnages à date, ça s'est pas vraiment produit parce que tout le monde a ses propres idées, puis le fait qu'on est une petite compagnie, on veut que tout le monde y mette de leur grain de sel. Fait que, puis aussi, je suis pas sur le jeu depuis le début du jeu, fait que je suis arrivé comme plus à la moitié du projet. Alors moi, ce que je vois en position, c'est essayer d'aider les idées des autres. Fait que là, justement, si quelqu'un a dit je veux que le méchant ressemble à ça, puis là, moi je dis OK, ben je vais essayer de trouver une histoire autour de ce que toi tu dessines. C'est comme ça que toutes les composantes du jeu peuvent être plus organiques de cette façon-là, à mon avis. Mais quand justement j'ai créé une bande dessinée pour le jeu, je me faisais des petites esquisses moi-même de voir de quoi que les pages auraient l'air. Mais avec l'artiste avec qui j'ai travaillé, elle était tellement bonne qu'éventuellement elle avait plus besoin de mes esquisses pour dessiner ses propres pages, elle pouvait le faire elle-même. Puis c'était souvent, c'était tout le temps meilleur que moi je pensais, parce que elle ajoutait plein de détails que moi j'aurais pas pensé. Fait que je suis vraiment à l'aise avec ça. Tu sais, si je veux dessiner mes propres affaires, je peux le faire justement pour moi-même chez moi sans aucun problème. Fait que je suis vraiment confortable de passer le bâton à quelqu'un d'autre ici. OK. Yannick, écoute, le métier de scripteur n'est pas le plus méconnu, mais pas le plus connu non plus. Puis tu sais, si on se fie un peu à ton histoire, ça demande, il n'y a pas un background particulier pour être scripteur. Je me demandais, c'est quoi les qualités que ça prend pour le devenir? Quelqu'un là qui voudrait, par exemple, écrire un scénario de jeu, ce serait quoi les qualités que tu dirais que ça prend pour écrire un bon script, puis, ou en tout cas une histoire qui va pogner? Moi, je pense que, ben, premièrement, faut que t'aimes raconter des histoires. C'est l'affaire comme numéro un, justement. Faut que t'aimes raconter des histoires, puis il faut que tu t'en manges, que tu n'absorbes tout le temps, que ce soit écouter la télé, soit écouter des films, soit jouer à des jeux. Mais là où c'est vraiment important pour les jeux vidéo, du moins pour moi, ce que j'ai travaillé ici chez Tribute, vu qu'on fait des jeux rétro, tu sais, si tu vas au jeu Nintendo de quand on était vraiment jeune, tu sais, au Super Nintendo, les histoires sont souvent vraiment, vraiment simples, puis ils rentrent pas trop dans le gameplay, ils restent juste comme, ils sont là pour supporter le gameplay, dans le fond, ils sont souvent là pour dire pourquoi que qu'est-ce qui arrive maintenant que tu as terminé un level, pourquoi tu t'en vas au prochain level, puis pourquoi tu vas continuer à jouer à ça. Puis ça, c'est comme l'écriture de plus de base de jeux vidéo. Dans le fond, c'est ça, c'est pourquoi tu continues à jouer, tu sais. À part de justement du gameplay qui est vraiment le fun, c'est pourquoi tu vas d'un level à l'autre. Fait que c'est de trouver. Je trouve que c'est vraiment un travail d'équipe, puis moi, ma vision à date, parce que là, on n'a pas comme créé encore un jeu qui est vraiment. conduit par un narratif vraiment de la base. On sait pas, on n'a pas encore aventuré là-dedans. Mais moi, c'est vraiment comment je peux assaisonner le jeu puis le rendre plus le fun. Puis comme donner une bonne motivation émotionnelle au joueur quand il est pas en train de jouer puis dire « Ah oui, il faut aller planter le méchant au prochain level parce que là, il vient de dire une affaire méchante au héros ou quelque chose comme ça. » Des fois, c'est juste primal comme ça. Puis une bonne affaire que j'ai... Une affaire qui m'a aidé beaucoup, moi, c'est à un moment donné, j'ai passé une après-midi sur YouTube à juste regarder des fins de jeux de Nintendo puis de Super Nintendo que j'aimais. Puis juste pour voir comme qu'est-ce qu'il racontait avec des moyens puis des graphiques plus limités, mais des images vraiment fortes. Puis que quand je regarde, mettons, la fin de Mega Man 2 ou la fin de Link to the Past sur Super Nintendo, il y a des affaires vraiment belles puis touchantes là-dedans qui sont juste communiquées par des graphiques, des pixels de base qui sont vraiment le fun. Fait que là, moi, je me dis, OK, comment je peux essayer de créer ces affaires-là? Mais c'est ça, à la fin, tu sais, ça... Faut juste être motivé à raconter une histoire. T'sais, ça a bien donné que je travaille dans les jeux vidéo, mais sinon, mon écriture avant, j'écrivais des bandes dessinées, puis j'écrivais des strips pour moi-même, j'écrivais beaucoup de jokes. J'écris des jokes des fois sur Twitter aussi. C'est vraiment de donner une discipline, de raconter quelque chose. Puis généralement, après, tu vois comment tu peux appliquer ça ailleurs ou comment l'appliquer dans les jeux vidéo. OK. Il y a souvent des gens qui vont classer les jeux vidéo comme étant... pas nécessairement un sous-art, mais côté histoire, tu sais, que c'est censé être simple, que c'est censé être vraiment moins développé, tu sais, qu'on n'a pas besoin de ça nécessairement dans le jeu vidéo. À ces gens-là, qu'est-ce que tu leur répondrais, toi qui l'as vécu de l'intérieur dans la création d'un script de jeu? Je dirais que les jeux, ils ont besoin, chaque jeu, comme dans le fond, va te dicter le genre d'histoire qu'il a besoin. Un jeu comme Resident Evil, dans le fond, il a besoin plus d'ambiance que d'histoire. Enfin, il a besoin de plus d'ambiance pour te faire peur et ça. Fait que là, si tu veux un jeu de Resident Evil, c'est probablement qu'il te mette dans une pièce qui te demande de générer des affaires épeurantes, des scénarios épeurants, puis des affaires qui ont rapport à leur gameplay. Si un jeu comme nous autres, parce que vraiment, c'est un action, platformer, shooter, c'est comme, l'histoire n'a pas besoin d'être gigantesque ou complexe. C'est chaque, les histoires complexes vont avec les jeux complexes ou les jeux qui veulent être une expérience différente, mais c'est, on peut pas demander à tous les jeux d'avoir le même niveau de complexité de l'histoire, puis si tu veux vraiment traiter les jeux vidéo comme de l'art, ben tu vois que il y a des affaires qui ont besoin d'être plus complexes, il y a des affaires qui sont plus simples, qui sont plus épurées, puis c'est juste comme ça que ça fonctionne. T'sais. Autrement, les gens qui disent qu'il n'y a pas besoin d'histoire, ben justement, il y a des jeux de Call of Duty qui sont juste je veux être dans la peau de cette personne-là, puis tirer d'autres personnes, et il s'en sort très bien sans. Là. Des fois, un jeu vidéo peut juste être comme un genre de simulateur vraiment précis puis fancy pour une personne. Ça dépend de ce que la personne veut du jeu. Ça dépend aussi de ce que le jeu veut être. Je regardais un petit peu là, la bande dessinée que tu nous parlais sur le site mercenarykings.com. Bande dessinée qui est disponible. De très, très belles images, soit dit en passant. C'est quoi l'avenir de Mercenary Kings? Est-ce que c'est ça, une bande dessinée en format physique? Est-ce que c'est un deuxième volet? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'avenir de la franchise? Pour l'instant, on ne sait pas. On sait pas si ça va être une franchise. Je te dirais que à un moment donné, j'avais eu une conversation avec le président de la compagnie qui est un ami ainsi que mon cousin. Et puis j'ai demandé à quel niveau Mercenary Kings faut qu'il vende pour qu'on en fasse un 2. Puis tu sais, ça c'est un jeu qu'on vient de passer 2 ans à faire. Là, fait que tu sais, on est épuisé, là, même si on l'aime, on est content qu'il soit terminé. Là, on travaille à le stabiliser, à faire des patchs pour, puis des trucs du genre, puis à le publiciser, bien sûr, pour le vendre. Mais je dis, qu'est-ce que ça prend? À quel niveau qu'il faut que les ventes montent pour qu'on en fasse un 2? Puis lui, il m'a tout simplement répondu, il va avoir un 2 si ça nous tente de faire un 2. Fait qu'il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien que le public peut vraiment faire pour que s'assurer qu'il y ait un deuxième. Ben, mettons qu'il est méga populaire, t'sais, on va y penser plus, mais nous autres, je pense qu'on est plus intéressés à sortir d'autres nouveaux jeux, d'autres jeux originaux avant de faire une suite. Je pense qu'on est comme, personne dit non aux suites ici, mais ça serait le fun d'avoir, tu sais, comme 3, 4, 5, peut-être même 6 jeux sortis par la suite avant de retourner, tu sais, avant de retourner au puits, là. Tu sais, on aimerait ça, comme là, tu sais, deux ans, c'est comme, c'est une super production pour nous autres. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une autre super production qui n'est pas Mercenary Kings avant d'y retourner. Là. Est-ce que c'est déjà mis en branle, la suite des choses, pour Tribute Games? Pas une super production pour l'instant, je te dirais. La suite des choses, on a Curses and Chaos qui s'en vient, qu'on a mis le trailer sur YouTube ce soir même, et puis qu'on l'a montré à PAX East ce week-end. C'est un Arena Brawler, c'est un jeu style arcade qui se passe en un écran, puis t'es deux personnages qui doivent puncher des monstres dans la face pour éviter le toucher de la mort. Et puis c'est un jeu qui est vraiment le fun. Puis ça, c'est un jeu qui va sortir cet automne. Et lui, il est vraiment comme plus 8 bits épuré. Fait que là, c'est ça. Il va sortir cet automne pour Steam et pour Vita. Et fait que là, nous autres, pour l'instant, on compte faire les plus petits jeux, des productions, justement, de peut-être de 6-8 mois pendant que notre équipe de programmeurs, elle s'occupe de faire le portage de Mercenary King sur Vita et probablement d'autres plateformes. Le jeu est fait, faut qu'on le stabilise puis qu'on l'amène sur d'autres plateformes, les autres plateformes qui nous veulent, bien sûr. Puis il y a de l'intérêt de d'autres plateformes. Fait que pour l'instant, c'est ça qu'on va faire. Fait que dans le futur rapproché, c'est des plus petits jeux pour le moment avant de faire la grosse super production qui, on sait pas encore c'est quoi, mais tu sais, il y a beaucoup d'idées, comme la plupart des gens ici ont des idées de jeux qu'ils veulent faire. Là. Fait que ça, on va voir laquelle qu'on choisit puis laquelle on attaque pour la suite. Pour la suite des choses, déjà, vous avez une belle carte d'entrée avec Mercenary Kings qui est disponible sur Steam et sur PlayStation 4. Est-ce que, dans le fond, l'avenir de la compagnie, il y a de l'intérêt parce que vous avez fait un bon jeu ou c'est parce que le nouveau produit, le Curse and Chaos, est très intéressant? C'est les deux, je te dirais. C'est pas mal le fun. Comme on a une relation avec qui semble très bonne avec Sony, qui a amené le jeu sur PS4 et puis qui l'a amené sur PS Plus pour le mois d'avril. Fait que si vous écoutez ceci dans le mois d'avril 2014, il est gratuit sur PS Plus. Mercenary King, c'est-à-dire. Fait que Mercenary King, ça nous a rendu plus connu que d'autres gens se sont intéressés, même que quand on a sorti juste le logo de Curses and Chaos la semaine dernière sur notre Twitter, des gens de Sony nous ont immédiatement appelé pour dire comme hey, on le veut pour Vita. Oui, c'est notre carte d'entrée, c'est notre fait que fondée par plein de gens qui ont travaillé sur un jeu de Scott Pilgrim, puis que là, pendant un bon bout, on voit ceux qui ont travaillé sur Scott Pilgrim versus The World, mais là, on espère être ceux qui ont travaillé sur Mercenary Kings. Okay. Parce que, donc, ce que tu me dis, c'est que Sony, eux autres, sans même connaître c'est quoi le nouveau projet, ils ont fait comme, écoute, ils ont donné ça doit être intéressant, c'est la même gang, on fait confiance. Oui, ça semble être ça, fait que ça, c'est pas mal de fun, puis justement, Sony, se présente comme être l'ami des indépendants sur le marché. Fait que ils veulent nous garder dans leur cours. C'est très flatteur et c'est pas mal le fun. Mais tu parles de nouvelles plateformes, puis tu sais, on a eu d'autres personnes qui sont soit des petits studios, des choses comme ça, qui essaient de développer leur jeu sur des plateformes. Puis on entend parler de Sony, mais Microsoft là-dedans, sont-tu complètement déconnectés, sont pas intéressés? Est-ce qu'ils vous ont approché? Puis leur manière de faire des affaires, c'est juste trop compliqué? C'est-tu le port qui est compliqué à faire? Ou c'est juste que Microsoft écoute pas autant que Sony peut écouter? L'affaire avec Microsoft, c'est que Microsoft veut avant tout, ils veulent des exclusivités. Alors si on avait promis Mercenary Kings comme étant une exclusivité sur PlayStation 4, après ça, à moins que quelqu'un de Xbox, de Microsoft veut bien veut bien abandonner cette clause puis dire oui, on veut Mercenary Kings, on le veut tel quel, ben là, on pourrait l'amener à Xbox, mais les autres, ils veulent des exclusivités. Ça veut dire que, dans le fond, pour le moment, si on voulait que Mercenary Kings aille sur Xbox, faudrait qu'on invente du nouveau contenu, faudrait qu'on crée du nouveau contenu. Cependant, tu sais, Mercenary Kings, il a été fondé sur Kickstarter, fait que là, je pense que on ressent que faire une nouvelle version du jeu avec du contenu différent qui serait exclusif à juste une console, c'est pas exactement juste pour les gens qui nous ont backés justement il y a ces années-là, puis qui lui ont permis de mettre le jeu sur ses pieds, mettons. Fait que, c'est pas quelque chose qu'on envisage, mais on a eu des bonnes relations avec eux autres, mais pour l'instant, c'est comme ça, là, vu que c'est Sony qui s'est rendu à nous autres en premier, on pense que c'est là qu'on... C'est avec eux qu'on va danser pour l'instant. Là. C'est pas qu'on n'a rien contre Microsoft, mais là, pour l'instant, sur Sony, ça s'occupe bien de nous. Là. Il y a une certaine fidélité. Exactement, oui. Ah, vous êtes romantique. Puis Sony, vous mettez pas de bâton dans les roues pour aller ailleurs. Mais ça veut dire Microsoft, s'il parle d'exclusivité, ça veut dire que t'as même pas le droit de l'amener sur Steam. J'imagine que c'est vraiment console, Microsoft, et mon console Xbox et c'est tout. Je connais pas les détails de ça, mais ça me surprendrait pas. Non, ce serait probablement une exclusivité juste console. Okay. Pas par rapport aux ordinateurs. Comme justement, Sony a aucun problème qu'on aille n'importe où pour PS4. On est exclusif à la console, tu sais, juste pour un mois et des poussières. Après, on peut aller où ce qu'on veut. Là. OK. T'as parlé tantôt que Sony vous avait mis là sur le PlayStation Plus, donc gratuit pour le mois d'avril 2014. Ça fait 2 ans que vous travaillez là-dessus. Vous avez, dans le fond, vous devez payer vos gars, votre équipe. Et là, pendant un mois, au début de la sortie de la console et du jeu, il est gratuit. N'est-ce pas? Il y a un double discours. C'est pas rentable dans ce temps-là si vous le donnez gratuitement. Ah ben tu vois l'affaire, c'est justement on le donne pas gratuitement parce que ça serait de la folie de donner ce qui est notre premier mois de vente. Tu sais, ce que Sony fait, puis ils font ça pour toutes le PS Plus, c'est même pour tout le monde, c'est que ils vont voir les compagnies puis ils suggèrent un montant symbolique pour ce mois-là. Et puis là, il y a délibération, est-ce que le montant est accepté ou non. C'est du monde qui disent on veut plus, les montants sont discutés. Puis une fois que le montant il est accepté par les deux parties, ben justement c'est ça. Sony nous paye un montant symbolique pour ce premier mois-là, parce que justement c'est notre premier mois de vente, c'est là où qu'on ferait tout notre argent avec le ou une partie vraiment importante de notre argent avec ce jeu-là. Tu me disais, en dehors des ondes, Yannick, que tu arrives de PAX. Comment ça s'est passé, le voyage de Tribute Games là-bas, du côté de Boston? Ah ben, ça s'est très bien passé. Écoute, ben justement, c'est un peu ça qui est le fun et le glamour du jeu vidéo indépendant. On fait tout nous-mêmes. Fait que on arrive au studio jeudi matin à 7h30, puis là, on met tout... Tout le contenu de notre kiosque, on met tout ça dans deux trucks, puis là on monte, tout le monde descend à Boston, sur la route, et puis une fois que t'es rendu à Boston, tu vas au centre de convention pour monter ton kiosque, et puis là soudainement il y a un ordinateur qui marche pas, fait que là faut que tu cours Best Buy pour aller acheter une tour pour faire marcher quelque chose. Tu cours ici et là, puis là, finalement, tu finis à l'hôtel à 10h30 de ta journée dans le corps, puis ça, c'est pas mal de fun. Puis là, le lendemain, ben ça, tout le studio était là, et puis ça veut dire on était 6, et puis on se relayait chacun pour mener le kiosque, fait que là, on donne des... C'est marrant, on est tout de même... Tu sais, le jeu nous a amené beaucoup de visibilité, puis être sur Sony, ça a une certaine visibilité aussi, sur le PS Plus, mais là, il y a plein de gens qui passent, fait que là, on passe des pamphlets, on parle au monde, on leur présente le jeu qui est sorti en ce moment, qui est Mercenary Kings, le futur jeu qui était là en démo, Curses in Chaos, un de nos anciens jeux qu'on montrait, Ninja Sinki. Fait que bref, c'est ça, là, c'est tu sers des mains, tu parles au monde, et puis t'essaies de faire connaître la compagnie, puis c'est pas mal de fun. C'est aussi, ben ça, PAX, c'est vraiment, c'est impressionnant, le centre de convention, il est gigantesque, puis il y a des milliers, puis des milliers, puis des milliers de personnes qui passent, il y a du cosplay, il y a de tout, là, c'est vraiment le fun. Donc, ça fut une belle aventure, fatigante, mais belle. Pardon? Ce fut une belle aventure. Ah oui, ouais, c'est vraiment le fun. Accepté que j'ai pogné la maladie de la convention, j'ai pogné la plaie de Pax, là, fait que mes derniers chiffres ont été pour le cours, ils sont passés à l'hôtel. Là. J'ai tombé comme une fièvre écrasante. Là. J'ai dû serrer une main que j'aurais pas dû. Là. C'est dur de savoir ce que les mains ont passé, mais disons qu'une commandite de Purell, ça serait une bonne idée. Je pense que oui, on a été sots de ne pas amener du Purell là-bas. Oui. Ben, merci beaucoup, Yannick, pour le temps que tu as passé avec nous. Désolé, on n'avait pas de bière à te servir. On sait que c'est un peu dans tes habitudes quand tu jases sur un podcast. Merci à vous. Ben, c'est l'honneur, écoute, te revient pleinement d'avoir accepté l'invitation. Puis on vous souhaite bon succès, la gang de Tribute Games. Et éventuellement, on va faire la critique de Mercenary Kings. Je suis là-dessus en ce moment. J'achève. C'est le fun. J'ai bien du fun avec ce jeu-là. Donc, merci beaucoup, Yannick. Good. Merci à vous, les gars. Merci, Yannick. Merci. Donc, c'était Yannick Belzile qui est scripteur chez Tribute Games, entre autres qui a travaillé sur le jeu Mercenary Kings, que vous pouvez entendre aussi sur le podcast de Trois Bières. C'est pour ça que je faisais la référence au fait qu'on n'y a pas offert de boisson sur le show. Mais bon, que voulez-vous? Nous autres, on a une soirée de travail pour lui, fait qu'il n'y a pas de boisson. Et on avait plus que trois caissons, donc c'est un peu différent. On l'a peut-être un peu déstabilisé. Ben, ça n'a pas l'air, il a bien fait ça. Yes! On y va maintenant avec nos fails. Normalement, on ferait ça au début, mais on a voulu pouvoir libérer Yannick le plus rapidement possible. Il parlait de la maladie du Pax. Sa blonde a eu des relents de ça, donc il va aller s'en occuper, puis c'est bien correct de même. Et là, ben maintenant, ça nous permet d'avoir un peu de temps pour jaser en nous autres des fails de la semaine. Daniel, qui nous en a trouvé deux. Premièrement, une histoire de bébé mort, c'est jamais drôle. Mais c'est relié avec l'industrie du jeu vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, Jean-Benoît, avant ce matin, si le monde ne le savait pas, on enregistre le soir, mais avant ce matin, j'en avais pas de fail. Tout allait bien, tout était rose, le ciel était bleu. Ben, écoute, il fait froid, là, mais sinon, tout allait bien. Et là, tout d'un coup, paf, deux nouvelles de suite, puis là, tout pète. Oui, il y a eu un bébé, premièrement, une histoire de bébé mort en Corée du Sud, puis Dieu seul sait que c'est malheureusement pas la première fois que, en fait, il y a un bébé mort qui est causé par une dépendance aux jeux vidéo. Donc, de Chung, en fait, Chung est un jeune homme de 22 ans qui a eu un bébé il n'y a pas très longtemps, donc il y a environ 2 ans. Et Chung est un grand amateur en Corée du Sud de jeux en ligne, lesquels je ne sais pas, mais bon, on sait qu'en Corée du Sud, il y a entre autres des grands tournois de StarCraft, de Dota 2, bref, peu importe. Et Chung, lui, dans sa vie de tous les jours, passe le plus clair de son temps au cybercafé de son coin parce que il aime beaucoup jouer en ligne et à un tel point qu'il est devenu carrément accro. Le problème quand t'as un enfant à bas âge, c'est qu'il peut pas se nourrir tout seul. T'sais, il peut pas aller dans l'armoire, se faire à manger, cuire ses aliments. Donc, généralement, ça prend un parent pour le faire. Mais Chung, vu qu'il est accro au jeu, ne peut pas le faire. Et ce qui est arrivé, vous me voyez venir, là, c'est que, dans le fond, le bébé est mort de malnutrition parce que ce qui arrivait, c'est que Chung, désolé de l'appeler juste par son prénom, on connaît pas son nom de famille, Chung, dans le fond, retournait chez lui aux 2-3 jours nourrir son enfant et repartait pour 48 à 72 heures au cybercafé. C'est comme un chat, hein? Tu laisses un peu de moulé d'un coin, puis merci, bonsoir, il s'en occupe tout seul, voyons. Ça peint plat d'eau, là, tu sais. ou c'est du ça, lait, oui. Dans sa bassinette, non, mais tu avoues que c'est quand même un peu pathétique. Ah non, là. ça n'a pas de bon sens, là. Mais ce qui est important dans cette nouvelle-là, pour nous particulièrement en tant que gamers, c'est que ça aurait été facile de démoniser le jeu vidéo, mais la nouvelle a été traitée de façon à ce que non, ce soit pas le cas. C'est un gars qui est accro à une substance qui, là, dans le cas précis, est le jeu vidéo, mais ça aurait pu être l'alcool, ça aurait pu être le jeu, le poker, ça aurait pu être à peu près n'importe quoi, mais là, dans le cas présent, c'est le jeu vidéo, et c'est ce qui a causé le décès de l'enfant. On n'a pas démonisé le jeu vidéo, tandis que habituellement dans les médias, on le fait énormément. Puis là, j'ai aimé la façon que ça a été traité cette fois-ci, cette nouvelle-là. Ben, en fait, parce que j'ai étudié un peu le phénomène des dépendances, et on s'en parlait un peu hors d'onde, toi puis moi. une dépendance est souvent un symptôme de quelque chose. Ouais. Qu'on pense par exemple à l'alcoolisme, aux drogues, même la dépendance au jeu, c'est un symptôme de quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là sur lequel il faut taper ou de façon plus correcte, s'attarder pour régler le symptôme qui est la dépendance. Malheureusement, c'est pas ça qu'on fait. On va souvent cibler le symptôme parce que c'est des cibles plus faciles pour finalement expliquer là, des tragédies comme ce qui est arrivé en Corée du Sud. Donc, l'enfant, je pense qu'il est à peu près âgé de 2 ans, donc qui est mort des suites de malnutrition. Et avant que vous vous demandiez, oui, OK, c'est beau, là, le père est responsable et tout, mais où était la mère? La mère n'y pouvait rien parce que la mère occupait un emploi dans une usine très, très loin de chez elle. Donc, n'était pas là la semaine. Faisait du genre de flying fly-out. Comme on connaît au Québec dans les mines. C'est ça, ouais. C'est ça exactement. Je pensais que tu allais dire que c'était elle qui roulait le cybercafé. Elle était bien occupée. Mais c'est pas la première fois qu'il y a un décès relié à les fameux cybercafés. Il y a un gars qui, pendant une affaire comme 2-3 jours, était décédé en avant de son ordinateur. C'est comme dans des mini-cubicules un peu. Là. Il était décédé. Puis c'est les gens dans le jeu, je pense que World of Warcraft, qui ont comme remarqué que le gars bougeait plus. Il jouait mieux. Ah oh, ouais, c'est le même qui s'en sont rendu compte. Ils ont fait comme, ben, on devrait peut-être appeler les urgences qui ont retracé la personne via l'adresse IP. Puis c'est comme ça qu'on est en mesure de se rendre jusqu'au gars. Il était décédé depuis 24 à 48 heures sans que personne s'en rende compte dans le café, dans le cybercafé, là. C'est assez pathétique. J'ai fait un article à un moment donné sur Affaire de gars là-dessus, là, des morts insolites causées par les jeux vidéo. Bon, c'est pas nécessairement causé par les jeux, on l'a dit, c'est un symptôme. Mais et je me rappelle aussi d'un gars, je pense que c'était encore en Corée, le gars jouait tellement qu'il se faisait juste se nourrir de nouilles. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu finis par te nourrir rien que de nouilles, c'est pas suffisant pour ton organisme. Fait que le gars est mort d'une crise cardiaque, son cœur est lâché. Ouais. Fait que, tu sais, c'est malheureux, là. Puis ça a l'air d'être quand même un problème important en Corée. Puis, tu sais, c'est pas juste pour cibler ce pays-là en Corée du Sud, mais il y a beaucoup d'histoires qui sortent de ce pays-là, de gens qui meurent ou qui se détruisent le système immunitaire parce qu'ils jouent à des séances intenses de jeux dans des supercafés. Ouais. Il y en avait déjà un autre, un couple, je pense au Japon, là, une couple d'années, là, c'est au moins 2-3 ans, puis leur enfant était mort parce que les deux parents, pas, puis tu sais, il y avait le père cave, mais il y avait la mère aussi cave aussi dans ce couple-là, puis le petit était mort de faim, de soif et de juste pas se faire occuper de lui parce que les deux jouaient à World of Warcraft. Ouais. Ah ouais. Fait que c'est beau avoir des activités de couple, mais il y a des limites. Ouais, c'est ça. Si ton activité de couple nuit à la vie de ton enfant, ben c'est peut-être une bonne idée de rectifier le tir. Mais il faudra des campagnes de sensibilisation, un peu comme c'est le cas pour le jeu ou des choses comme ça. T'sais, on en voit au Québec, là, tu sais, jouer, faut se mettre une limite. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des gens qui dépassent la limite, puis faut que tu les tiennes par la main. Ben, c'est un peu la même chose. Ben, là, on parle beaucoup de World of Warcraft, mais avant World of Warcraft, il y a eu beaucoup de décès puis beaucoup de cas qui sont sortis du jeu EverQuest. Oui, c'est vrai. C'était à l'époque, là, c'était le grand fléau, là, EverQuest. Fait que pour les vieux de la vieille comme moi, ben, c'est des bons souvenirs à se rappeler. C'est parce que c'est des jeux que si tu veux évoluer puis si tu veux être égal aux autres, t'as pas le choix de grinder puis de jouer puis de... Enfin, je m'apercevais, je jouais à Star Wars The Old Knights of the Old Republic, le jeu en ligne, puis à un moment donné, t'es juste pas capable de suivre les autres. Là. Tu joues 2 soirs par semaine parce que c'est ça que t'as le temps de faire, puis tu rencontres des personnages qui étaient comme niveau 1, quand même, qui ont commencé en même temps que toi, puis sont rendus comme niveau 28, comme 2 semaines plus tard, puis toi, t'es comme au niveau 4. Tu dis « OK, tu sais ». Il y a une différence de temps de jeu, tu sais. Ouais. Il s'ensuit une pression sociale, tu sais, c'est ça. Si tu veux suivre le rythme de tes amis, ben, t'as pas le choix de jouer en même temps qu'eux autres. Puis, s'il y en a un qui joue plus que toi, ben, tu vas essayer de le rattraper. Tu sais, il y a ça aussi, là, le fait que t'es pas seul contre le jeu. T'es avec d'autres mondes, ben, ça implique ça, là, le fait que tu te compares, puis tu veux être le meilleur par rapport aux autres. Mais c'est parce que c'est supposé être pour le plaisir, tu sais. Fait que c'est dans le fin fond du fond, ça donne absolument rien à personne que tu montes ton bonhomme au niveau 50 en dans deux semaines. Ah non, t'sais. Ça c'est sûr. Fait que je veux dire, ça te donnera pas plus d'argent, ça va juste scraper d'autres choses probablement quelque part, à moins que tu aies juste ça à faire pour de vrai dans la vie, là. Mais on s'entend-tu que c'est rare le monde qui a cette... C'est juste ça à faire. Ouais. C'est ça, ça a pas de bon sens à un moment donné, là, mais ça crée des dépendances. C'est comme n'importe quoi d'autre. Tu veux juste avancer, tu veux avancer. Un petit niveau de plus, un petit niveau de plus. Puis là, ben, ça finit plus à un moment donné. Deuxième fail de cette semaine, Sony qui a tout vendu ses actions de Square Enix. Ça va pas bien chez Square Enix. Ça fait un bout que ça va pas bien d'ailleurs. Puis moi, selon moi, c'est dû à une panoplie de mauvaises décisions, d'une espèce de leadership un peu bizarre. Puis là, évidemment, on passe à la franchise Final Fantasy, donc qui a un peu pris la dérape. Je pense que c'est une série qui a perdu son identité. C'est allé dans n'importe quelle direction. Et Square Enix, il y a quelques années, avait investi beaucoup, beaucoup d'argent dans Final Fantasy XIV, qui a été un flop. Là, ils ont lancé la version Reborn, qui a l'air quand même d'avoir un bon succès. Là, il y a au-dessus de 2 millions d'utilisateurs à ce jour. Donc, tu sais, je pense qu'avec Reborn, ils ont un petit peu rectifié le tir. Mais à la base, Final Fantasy XIV a coûté excessivement cher. Puis on dirait qu'à chaque Final Fantasy, ça coûte de plus en plus cher. Puis là, on va en mettre encore plus plein la vue. Puis on se ruine. Puis finalement, ça vaut pas tant la peine que ça. Donc là, Square Enix, ben c'est ça. Aujourd'hui, Sony a annoncé que finalement, on liquidait toutes nos actions de la compagnie. Fait que c'était quelque chose comme 48 millions qu'il y avait dans Square Enix. Et donc, on a liquidé les actions. Ça va pas bien, là, Square Enix. Je pense que depuis quelques années, ils peuvent se compter chanceux et d'os. Je pense que ça les a fait vivre. Mais c'est clair qu'il va falloir un coup de bord là, au niveau de Square Enix. Recentrer les projets, resserrer vos équipes, arrêter d'investir des millions pour finalement faire des jeux super tape à l'œil, mais qui ont un gameplay complètement nul. Revenez à la base, puis sortez-nous un jeu à la Dragon Quest 8 ou même 9. Un Final Fantasy, un vrai bon jeu de rôle, pas juste un jeu qui va nous éblouir visuellement. Il y a un problème chez Square Enix en ce moment. Ça me ramène un peu à l'origine de Final Fantasy. Vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est que le créateur, c'était sa dernière chance, puis c'était comme sa dernière fantasy. C'était un jeu à la base qui se devait être un cri du cœur. Mais c'est plus le cas. Là, c'est juste une vache à lait qu'on reproduit pour reproduire. C'est plus. C'est on dirait que le tout ce qui était le pensée derrière le jeu est plus là. Il n'y a plus d'âme dans cette franchise-là, il me semble, en tout cas. Ben, il n'y a pas juste Final Fantasy, tu sais. Pensez à Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, personnellement, j'ai adoré le premier. J'ai aimé les volets portables, surtout pas Crisis Core, mais bref, je me rappelle plus du Kingdom Hearts qui était paru sur PSP, je me rappelle plus du nom. C'était une bonne série, mais c'est allé dans un paquet de directions, un peu comme Final Fantasy, puis on attend toujours Kingdom Hearts 3, des années après le 2. Ouais. Fait que, bref, ça va mal à la shop. Mon autre fail, voilà, c'est fait. Mais tu dis aussi une chance qu'ils ont Eidos. Ben, je sais pas, là, mais Thief, ça a-tu vendu autant que c'était supposé? Non, c'était pas, ça n'a pas vendu autant. T'sais, non, mais je pensais au tu sais, pense au dernier succès de Eidos. Pense à Tomb Raider. Pense à Deus Ex Human Revolution. Tu sais, je pensais beaucoup plus, tu sais, une chance qu'ils ont eu Eidos dans les dernières années. Ouais. Parce que, tu sais, il y a quand même eu des gros succès. Parce que si Square Enix était juste Square Enix, tu sais, s'ils n'avaient pas acheté Eidos, puis les développeurs qui venaient avec Eidos, je pense que ça ira encore bien plus mal. Ah, c'est ça, peut-être. Je sais pas, bref, mais tout ce que je sais, que je suis sûr, c'est que ça va pas bien chez Square Enix, puis il va falloir quelque chose pour redresser, parce que j'ai peur qu'on connaisse un certain destin comme une certaine THQ un jour. Moi, ouais. J'ai un fail global. Toi, moi, vous autres, tous ensemble, on est 172 millions de personnes à avoir des comptes sur Steam. et on est tous dans un fail majeur. C'est Ars Technica qui ont compilé les chiffres, se sont intéressés aux ventes de jeux sur Steam versus le nombre de jeux qui étaient joués. Le fameux backlog qu'on a tous et toutes les gamers, on a cette fâcheuse tendance à acheter plus de jeux que ce qu'on est pour en jouer réellement. Et on arrive absolument pas de quoi tu parles. Non, hein, pas du tout. Hein? Non. On arrive au chiffre magique de 37% des jeux achetés qui n'ont jamais été lancés sur Steam. 37%. Là, j'entends la gang de Steam faire exactement comme Nelson dans Simpson. Tu sais, Jean-Benoît, il y a une étude qui avait été faite là-dessus au niveau du comportement psychologique des acheteurs de jeux. Puis il disait qu'il y avait beaucoup ciblé Steam en disant il offre des rabais super alléchants. Puis juste parce que c'est un rabais, les gens vont l'acheter. Ben oui. Puis ils l'activeront jamais. Oh oui. On explique, là, on fait un compte rendu, là, les chiffres sont assez intéressants, merci. Mais on dit entre autres que le troisième jeu le plus possédé sur Steam, c'est Half-Life 2, le DLC Lost Coast, c'est plusieurs millions là, de personnes qui l'ont. C'est 12,8 millions de propriétaires de jeux-là, mais là-dessus, il y en a seulement 2 millions qui l'ont déclenché, qui l'ont joué pour une fois, là, minimum pour une fois. Ouais. Hey, je vais aller plus global que ça. Je m'excuse, je pense à la psychologie là, du consommateur. Moi, je serais vraiment curieux de voir un magasin ou peu importe, un revendeur, pas nécessairement baisser le prix de l'item en vente ou à peine, mais juste l'afficher en gros promotion ou rabais ou tout. Je serais curieux de voir à quel point ça affecterait les ventes. Juste voir si le consommateur est automatiquement attiré par les mots rabais. Oh, je suis convaincu que ça a un impact. Je pense que oui, parce que Future Shop et Best Buy n'arrêtent pas de faire ça. Mm. En solde cette semaine, t'sais, le nouveau iPad 4000. 50$ de rabais. C'est 50$ sur 650. Dans le fin fond, ça change pas grand chose. 1% de rabais. Tu sais, un MacBook Pro à 1800$, 50$ de rabais. Tu sais, c'est en solde. Gala, Puis ils vont demander l'installation après. Faut que ça marche. Ouais, c'est ça. faut que ça marche pour qu'ils l'utilisent tant que ça. Fait que oui, ça doit marcher. Mais ça, il y a des spécialistes là-dedans. Juste la façon que les épiceries, tout est installé, tout est placé, c'est tellement étudié. Là. Mm-hmm. Les entreprises payent pour avoir des positionnements particuliers. Les bouts de rangée, le bout des allées, la façon que les légumes sont dans l'entrée de... Les fruits et légumes sont à l'entrée de l'épicerie parce que le monde se font comme « Ah, cette semaine, je vais bien me nourrir, je vais bien manger. » Puis là, ils font toute leur épicerie, puis à la fin, ils arrivent dans les cochonneries, puis ils font comme « Ah, j'ai acheté des légumes, je peux même gâter. » Tout est étudié pour maximiser la consommation. Savez-vous pourquoi qu'il y a là, on parle d'épicerie, là, on est loin de Steam, mais savez-vous pourquoi qu'il y a de la radio aussi dans les épiceries? C'est pour laisser vagabonder ton esprit. Oui, eh ben c'est ça exactement. Dans le fond, ils ont démontré, là, c'est pas des jokes, que à cause de la radio, puis parce que les gens entendent, je sais pas, moi, une chanson qu'ils aiment ou un show de radio qu'ils aiment, ils vont inconsciemment mettre plus d'items dans leur panier sans même s'en rendre compte, puis en acheter plus. Avec un petit peu de bave sur le bord de la bouche. Là. Ah, c'est quasiment ça. Le cerveau à off. Mais tu sais, les produits laitiers sont toujours dans le fond de l'épicerie parce que tu as toujours besoin de lait, de beurre, de fromage. Fait que faut que tu fasses au moins une ou deux rangées complètes, puis tu vas avoir plein de stocks avant de te rendre à ton lait. T'sais. Fait que c'est juste normal, c'est juste fait de même, tu sais. Mais c'est rendu normal, mais à la base, c'était pas nécessairement comme ça. Tout est étudié. Finalement, là, arrêtez de penser que vous êtes libre, là, que vous avez le choix, puis non. Vous êtes des zombies, puis vous faites bien ce qu'on vous dit. Ouais, mais tu sais, c'est un couteau à deux tranchants, puis je me rappelle, à un moment donné, j'étais dans une pharmacie, dont je nommerai pas, puis la madame était en train de se ramasser des gros paquets de rouleaux de papier de toilette, puis la pharmacie jouait une radio, je pense que c'était 105.7, une affaire la même, puis il y a une annonce de pharmacie qui passe à la radio. Cette semaine, en spécial, le papier hygiénique à tel prix. La madame me regarde la tablette, elle les a toutes remis, puis elle est partie. Je pense que t'es allé à l'autre. Je pense qu'eux autres se sont fait avoir. Elle est allée à l'autre pharmacie. Écoute, il doit y avoir des drôles de coïncidences des fois. Tu sais, mettons la toune, ma vie c'est de la merde, puis t'achètes du papier hygiénique en même temps. C'est une drôle de coïncidence. Non, non, t'achètes des Prozac aux affaires de même, là. Non, mais tu sais, je fais. En tout cas, bref, le comportement des conservateurs, c'est vraiment intéressant à étudier, à voir. Puis écoutez, c'est pas pour rien que des psychologues industriels. Ben oui. C'est vraiment pas pour rien. On dit dans l'étude, je reviens là à l'étude, on dit qu'entre autres, là, c'est les prix avec les nombreux rabais que Steam offre qui jouent dans la balance, mais aussi tout ce qui est Humble Bundle qui fait que les gens peuvent acheter une cohorte de jeux pour un tout petit prix et que là-dedans, il peut y avoir un ou deux jeux qu'ils veulent vraiment, puis les autres, ben, ils ont parce que ça venait avec le bundle. Moi, particulièrement, mon Backlog, depuis que ça existe, les Humble Bundle a explosé, justement à cause de ça. Tu sais, je voulais un jeu dans la liste, ça m'a coûté 3$, mais tu sais, j'en ai 12 qui viennent avec. Oui, OK, il y a 12 des jeux que j'ai pas joué, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait partie de ça, mais non, c'est clair que 37% des jeux qu'on n'a pas joué, là, les gamers, c'est je suis convaincu que d'un, c'est pas exagéré, puis de deux, ça va probablement augmenter avec le temps. Non, si je regarde mon backlog, c'est clair que c'est vrai, parce que déjà là, ça dépend comment c'est calculé, hein, parce que regarde, j'ai acheté retour Back to the Future de Telltale Games, puis je veux dire, j'ai démarré l'épisode numéro 1, mais est-ce qu'il calcule chaque autre épisode comme un jeu? Je pense que oui. Tu sais, fait que là, ça, c'est un peu trompeur. Puis à un moment donné, j'ai acheté un bundle de Steam, puis il venait aussi Sam & Max. Puis ça aussi, c'est plusieurs épisodes. Fait que là-dedans, j'en ai peut-être 6, tu sais. Fait que c'est-tu des jeux comme ça qui, tu sais, ça fausse un peu la donne parce que c'est un jeu, mais en 5 épisodes. Fait que, tu sais, je sais pas si on fait le calcul pour ça. Sinon, ben, t'as... C'est tant de millions de jeux qui n'ont jamais été partis ou de sections de jeux qui n'ont jamais été partis. C'est quand même beaucoup, là. Oui. C'est assez impressionnant. Oui, si je regarde juste le mien, j'en ai pas mal. Juste pour que ça n'arrive pas une prochaine fois, je vais tout juste les partir. Oui, c'est ça. Et il y en a qui sont même pas installés puis même pas téléchargés encore parce que ouais, moi aussi. Ça va faire mal à la bande passante. Ouais, j'ai formaté dernièrement. Fait que il y a bien des jeux que tu sais, j'ai déjà joué, j'ai déjà parti qui sont même pas installés parce que. Forcer des choses. Hey, là. Et ben je voulais terminer l'émission avec... Ben, on a une autre nouvelle de toi, Daniel. Mais avant, je veux dire que j'ai l'âme en peine aujourd'hui, un peu. Le site internet jeuxvideo.com a annoncé que le dernier épisode de la web-série Crust était présenté. Ils ont présenté... C'est Karim Debbache, l'animateur, qui a présenté Scott Pilgrim versus The World. Et c'est une web-série, je ne sais pas si vous avez déjà écouté, les gars, où est-ce qu'on fait un peu là, la fun jouer, fun regarder des films que Sébastien Bouchard fait, là, c'est des critiques de films. Lui se concentrait sur tout ce qui avait un lien avec l'univers du jeu vidéo et du cinéma. C'était pour moi la meilleure web-série qui était présentée sur jeuxvideo.com et là, ben, c'est le dernier épisode, fait que je suis un peu peiné aujourd'hui, là. J'ai un peu de tristesse. OK, mes sympathies. Je suis déçu. Ouais, c'est ça. Je suis déçu. Tu viendras en suivi avec moi, qu'est-ce que tu veux? Ah, je sais bien. Et là, ben, on va essayer de se faufiler dans les glitches avec un jeu que tu voulais nous souligner, Daniel. Un projet qui a été greenlighté sur Steam et qui semble assez intéressant. C'est un projet, moi je le connaissais pas, je l'ai découvert cette semaine. C'est pas, honnêtement, premièrement c'est un jeu PC, je suis pas vraiment un joueur PC. C'est pas non plus un jeu auquel je risque de jouer, mais c'est un projet que je trouve assez intriguant. On mettra probablement le lien de la page Steam Greenlight sur notre Facebook ou sur Twitter, ou les deux. Donc, pour que on va être fou un peu, on va être les deux. Oh, écoute, parle-moi de ça. Pourquoi qu'on se retiendrait? On ira pas juste au moins le mettre sur notre site, là, parce que ça ferait du contenu, mais t'sais, ailleurs, on peut. Ah, écoute, lançons-nous dans cette folie. Qu'est-ce qui va nous arrêter? Hey, je vais peut-être même le faire live là. Oh, nice! T'es totalement malade. Ah non, je sais. C'est surtout pratique pour les gens qui vont nous écouter attachez-moi. En podcast à partir de demain. Que tu le fasses live, là. Attachez-moi, je suis comme pas arrêtable. Écoute, Jean-Benoît, là, arrête ça, là. Vraiment, là, cette folie-là. Non, non, je suis parti, j'ai une mission, un objectif en tête. On est parti pour la gloire. Parle-en, bon, ben, Dan, moi, je vais checker pour être sûr que c'est vrai ce qu'il dit. OK, c'est bon, puis assure-toi qu'il fasse rien que ça, là, parce qu'on ne sait pas jusqu'où il pourrait aller. Il va s'enferger sinon. Le fameux projet sur Steam Greenlight, c'est une petite équipe qui a parti. C'est un projet-là que je trouvais assez intéressant. On sait tous c'est quoi un glitch, hein? Une espèce de bug qu'on pogne dans un jeu, tu sais, un mur invisible, une espèce, tu sais, une image qui saccade. Donc, tu sais, on sait c'est quoi un glitch. Et il y a une équipe qui s'est dit, on va utiliser les glitches pour faire avancer les joueurs à travers des casse-têtes. Et c'est là où j'ai vraiment trouvé le concept intéressant. Il faut un peu voir la vidéo pour se rendre compte de ce que c'est. Au niveau visuel, ça a l'air super minimaliste, là. T'sais, on parle d'un jeu là, qui a des couleurs de rouge, blanc puis bleu. En tout cas, c'est vraiment minimaliste. Ça me fait penser un peu à Mirror's Edge, mais en 4 couches de moins côté graphique, là. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est comme Mirror's Edge, mais pas de couche de peinture. Ouais, voilà. Donc, c'est un jeu à la première personne. Il n'y a pas de violence en tant que telle. Mais ce qui va arriver, c'est que les objets qui sont en rouge sont des glitches. Et vous allez pouvoir exploiter ces glitches-là pour avancer. Là, je vais vous donner un exemple concret qu'on voit dans la vidéo. C'est que, bon, on voit à un moment donné une plateforme qui est rouge. On la sélectionne et on peut modifier ses attributs pour, par exemple, sauter plus haut. Donc, par exemple, si vous mettez l'attribut saut à 100, ben, vous allez faire un saut qui, en langage de programmation, équivaut à une valeur de 100. Si vous la mettez à 1000, ben, vous allez sauter beaucoup plus haut. Donc, on peut modifier les attributs des glitches, donc tirer profit des glitches, ce qu'on appelle aussi des exploits, là, des exploits en bon français, pour finalement compléter les casse-têtes du jeu. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme idée. Je pense pas que ça s'est déjà fait dans l'univers du jeu vidéo. C'est un projet qui est indépendant. Donc, encore une fois, on voit que l'univers des jeux indépendants est souvent le foyer d'idées très innovatrices. Donc, moi, je trouve le projet intéressant. Je sais, JB, quand je te l'ai montré, t'es comme, OK, mais je pense que ça va me prendre un petit tutoriel. Là, parce que je suis pas sûr de comprendre. Ah, va falloir qu'on m'apprenne à jouer parce que ça semble être assez mêlant. Je peux comprendre que l'idée est intéressante, mais il y a beaucoup de données, beaucoup de variables et il faut avoir une certaine notion, peut-être même de codage là, dans tout ça. Là. C'est en fait, je pense pas que ça va être un succès populaire. Honnêtement, je pense que ça va être un jeu qui va être populaire auprès d'un public restreint. Et tu le dis bien, là, je pense que ceux qui ont un intérêt dans la programmation, le codage, vont probablement être plus intéressés que monsieur et madame tout le monde. Parce que effectivement, tu sais, de devoir modifier les attributs des glitches, donc des plateformes ou en tout cas des murs que tu vois, je sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais je trouvais l'idée à la base très bonne là, de finalement utiliser les glitches pour parvenir à tes fins plutôt que de faire en sorte que ça te bute à certains obstacles inattendus. Ouais. Donc, ça aurait le potentiel de devenir un jeu culte, par exemple. Ça a l'air vraiment hot comme principe. Là. Je regarde la vidéo pendant que tu parles, puis ça a vraiment l'air pété. Là. Je l'essayerais juste pour voir comment... Tu sais, juste le fait que tes corps est rouge, tu le sais que c'est des glitches, mais tu les regardes, puis ils se désintègrent en avant de toi, ils se refont vraiment comme s'il y avait un problème avec. Là. C'est vraiment sauté. Là. Ouais, ben ceux qui ont joué au jeu Remember Me vont probablement se rappeler du combat contre le boss où justement le combat était une série de glitches donc que tu pouvais exploiter. Fait que finalement ça ressemble à ça. J'ai vraiment hâte de voir le projet final, voir si ça va être à la hauteur de cette espèce de folie-là qu'on va essayer d'intégrer au projet. Ouais. Fait que c'est une histoire à suivre. S'ils n'essayent pas de vendre ça trop cher, d'après moi, ça peut être un beau petit succès. Genre de jeu que je vais mettre dans ma liste de souhaits, puis mec, il y a un rabais, va peut-être me le prendre. Tu sais, PC, Mac, Linux, c'est sur toutes les plateformes. Là. Tu peux jouer sur Linux si tu veux. Là. Il y a des, tu sais, sur Mac. Et... On a beaucoup d'auditeurs qui sont sur le Linux. En japonais aussi, si tu veux l'écouter le jouer en japonais. Pourquoi pas? C'est disponible, tu sais, je veux dire, tant qu'à faire. Ça a l'air hot. Non, ça a vraiment l'air hot, fait que c'est... Le projet s'appelle Glitch Space. Donc, si jamais vous voulez suivre son développement, puis je sais pas, Jean-Benoît, tu disais qu'il était green lighting. Oui, c'est passé. Ok, donc ce jeu a été green lighté par la communauté. Bon, ben tant mieux. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour ce produit-là. Ça semble avoir attisé la curiosité des gens. Puis là, tu vois, tous les autres studios vont faire des jeux full buggés, puis ils vont dire non, c'est voulu, c'est concept. Regarde, c'est pareil comme Glitch Space. t'as tombé dans le plancher pendant que tu marchais, là, mais c'est voulu, c'était scripté. Ça a l'air que la gang de Battlefield sont derrière le jeu. Ah! Ouais. Oh, Jean-Benoît! Faut pas dire des affaires comme ça. T'es langue sale. Je suis donc pas fin. T'es pas fin. J'aime ça, par exemple. Et que j'aime ça être pas fin. Sur ce, c'est là-dessus qu'on va mettre fin à l'émission de cette semaine. On remercie à nouveau Yannick Bézil de Tribute Games et de Trois-Bières qui est venu faire son tour sur l'émission. Si vous avez le goût d'un excellent jeu pas cher, Mercenary Kings, c'est très très bon. On en fera la critique éventuellement sur le show. Sinon, les comparses, dites-moi où est-ce qu'on peut vous rejoindre. Daniel, débutons avec toi. Oh, tu me surprends, débutant avec moi. Je ne ferai pas l'éloge de mes nombreux talents ce soir. Je vais y aller en toute simplicité. Salamèche fait secours. Salamèche va faire secours. On a la mèche courte. Oui, on a la mèche courte. Via Twitter, à DracoADG. D'ailleurs, j'ai dépassé le cap des 400 abonnés grâce à Réalité Augmentée. Oh mon Dieu, Jean-Benoît, j'ai une dette que je ne pourrai jamais payer dans cette vie envers toi. Depuis que je te connais, mon nombre d'abonnés ne cesse de croître. Tu as payé à tous les jours ta dette, à tous les semaines ta dette, tu l'endures sur le show. Oui, c'est vrai. C'est vraiment pas fin, ça. Sinon, il y a une autre façon aussi, en fait, beaucoup plus de me lire que de me rejoindre sur affairesdegars.com. Donc, je publie plusieurs articles, dont mon dernier, mon avant-dernier qui a été viral. Très content du succès qu'a obtenu cet article-là. Merci à tous ceux qui l'ont lu. C'est celui sur l'histoire tragique de la mannequin Katie Pipers. Donc, merci à tous ceux qui l'ont lu et qui m'ont envoyé des bons commentaires. C'est très apprécié. Oui. Luc, de ton côté? Moi, vous pouvez me rejoindre sur Twitter à Scalazormo. Sinon, vous pouvez me lire toutes les semaines sur le site de Kijiji. J'écris des articles sur l'automobile. Cette semaine, je vais publier un article sur les 50 ans de la Mustang, donc une voiture que j'aime beaucoup. Donc, j'écris un petit texte là-dessus. Ça va être en ligne dans la semaine, le 17 avril, pour être plus précis. Puis sinon, à toutes les semaines, c'est fr.kijijiblog.com. Puis toi, mon JB? Moi, c'est... je m'occupe du compte officiel de la Réalité Augmentée sur Twitter, @RéalitéHog. Sur Facebook, facebook.com/RéalitéHog aussi. Et on a un site web à nous, personnel, sur lequel on dépose l'émission à chaque semaine, RéalitéHog.com. Sinon, vous pouvez nous rejoindre, l'équipe, via courriel, podcast@RéalitéAugmentée@gmail.com et mon compte personnel sur Twitter, @GangJ_B. Je prends ma respire et voilà, ça fait le tour pour les endroits où est-ce que vous pouvez nous retrouver. Meurs pas, Jean-Paul. Ah non, écoute, je suis pas aventile de ce temps-là. Des plans qu'on a besoin de trouver un autre animateur. Ça serait pas le premier mouvement de personnel sur le show. Non, mais ça serait un des plus gros, par exemple, parce qu'à date, il y a toi qui est resté, il y a moi. Bon, si moi je passe, c'est pas si grave que ça, mais toi, je veux dire, c'est toi qui anime. Hein, l'âme de ce show. On peut être corrompu. Ah, c'est ça. Là-dessus, on a assez dit de niaiserie pour cette semaine. On risque d'en... au Parti libéral. Commentaire éditorial. On se reparle la semaine prochaine, tout le monde. On aura un invité. C'est toi, Luc, qui nous a mis en contact avec la personne, M. Massicotte. Oui, Dave Massicotte qui va venir nous jaser de ses projets. Mm-hmm. Ça sera super intéressant. Oui, en effet. Yes. Si vous cherchez Dave Massicotte, vous allez peut-être tomber sur la vidéo de son projet qu'il avait tenté d'avoir du financement sur Kickstarter. Ça n'a pas fonctionné, mais un projet qui semble très, très prometteur si jamais il est en mesure de l'amener jusque-là où il voulait l'amener. Donc voilà, là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci d'avoir été des nôtres, chers auditeurs. Et on se dit à une prochaine fois. À la prochaine. Salut, là. Bye. Bye.